Titre chapitre 2. Mais toi, enseigne les choses qui conviennent à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints en la foi, en la charité, et en la patience. De même, que les femmes âgées règlent leur extérieur d'une manière convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes à beaucoup de vin, mais qu'elles enseignent de bonnes choses. Afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, gardant la maison, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Exhorte aussi les jeunes hommes à être modérés, te montrant toi-même pour modèle de bonnes œuvres en toutes choses, en une doctrine exempte de toute altération, en gravité, en intégrité, en parole saine, que l'on ne puisse point condamner, afin que celui qui vous est contraire, soit rendu confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Que les serviteurs soient soumis à leur maître, leur complaisant en toutes choses, n'étant point contredisant, ne détournant rien de ce qui appartient à leur maître, mais faisant toujours paraître une grande fidélité, afin de rendre honorable en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes, a été manifestée, nous enseignant qu'en renonçant à l'impiété et aux passions mondaines, nous vivions dans ce présent siècle, sobrement, justement et religieusement, en attendant la bienheureuse espérance, et l'apparition de la gloire du grand Dieu, et notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de nous purifier, pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre, et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec toute autorité de commander. Que personne ne te méprise.